Étrange ambiance qui secoue tous mes sens. Atmosphère d'un soir, tu me rejoins dans le noir. La vie en suspens qui d'un coup se répand. Toutes ces sensations à qui je ne sais dire non. Avec toi, je me sens loin de moi. Si tu savais le bien que tu me fais. Mais tes yeux ne me regardent pas. Tu préfères toutes ces femmes autour de toi. Quand ton sourire comme un soleil se dessine, ma vie en gris, tant que s'illumine. Avec des mots qui ne m'appartiennent pas, j'aimerais te dire tout ce que je ne m'explique pas. Avec toi, oh je me sens loin de moi. Si tu savais le bien que tu me fais. Mais tes yeux ne me regardent pas. Tu préfères toutes ces femmes autour de toi. Un, deux, trois, nous irons ensemble. Quatre, cinq, six, que il divise. Au sept, huit, neuf, dans un monde neuf. Dix, chercher à comprendre, excès d'interdit, flirter les limites, pénétrer dans un endroit factice avec moi.